Ok, ok, hein, c'est GTA. Ouais, pour le sud, son pic balle, ça se da. Escamikaze, malfaiteur. Ouais, ouais, pour base, pour ça et tout. Ok, ok, c'est pour mon petit malamini. Tu veux faire du mal à mon nom, vas-y, monomanie. Ok, mon frère, 2005, alors. Salut les gars, moi c'est Sopic Balthazar de la banlieue sud. Sans scrupule du GTA et je rappe même s'il y a pas d'issue. Un peu déçu par la vie en plus, par tous tes entours loups. Y'a de l'avenir dans l'illicite et je comprends qu'il y en a qui est encore loup. J'ai trop souvent sommeil car la vie a trop un goût amer. J'aime trop le soleil gros, je fais attention car je suis en roue arrière. J'suis venu beau gosse merde pour coller les meufs de chez vous. Avec des rimes trompées pas l'ordinaire, tout comme du chauvelin. Le sud c'est comme un Clio, on y retrouve la plage. Arrière y'a des bons sur la clim, plus des rapages. Comme la page dans sa réserve, moi je suis pas bien protégé. Des coups du sort gros, mauvais souvenir, j'en ai trop des jeux. Et ouais, proto, j'ai le seum, j'assume seul, j'perds pas sur mon sort. Demande à gros tout dit, pas de pari, pas une action en sort. Un sud spécial gros pour staff, mais ça est vivi. Titos base, mon sang est donc là si tu l'as de vivi. J'avais bloqué ma haine pour la bicrave en plaquette de sèche. J'me fracture la gorge comme en Astra sur les quais de Seine. J'me cautionne le quotient intellectuel, ses abonnés sous la casquette du GTN. J'tais ta haine au bonnet. C'est trop bizarre l'amour que porte ma haine au ZZR. À 3-10 sur le périph, elle tourne se croyant du frédit. J'y ricane de peine, la réserve quand j'touche le fond. Le moral est sous la joue, l'amour est interné parmi les fous. C'est ma haine qui tient le calibre, laissé à la bûche. L'amour boîte investi dans des bêtises. Le cœur aussi est sérieux, j'en ai marre d'être dans les vapes. Loin de m'en vanter, sans fusée que je m'évade. Mais si c'est chaud, bah je m'échauffe. Test même si j'ai pas le gap, c'est pas de ma faute. Si j'en ai plus dans les yoku que dans les bras. Dans la voix, c'est le gros du GTA Tartar. Le CM quand même pour ma base. J'ai les pipes en tout flard, donc poteau, me jette pas tes fleurs. Car de jour en jour, c'est la mort que tous mes potes effleurent. J'ai pas la tête de l'emploi, mais je suis compétitif. Même si on me dit souvent, escape au rap, faut couper tes tifs. C'est GTA qui sera un jour côté au 440, écoute le compte qui rentre dans ton cul, je ne pense qu'à de carottes. Escamikaze, malfaiteur, SOPIK. Vu que le rap c'est France, se vend du succès, on s'en paye aucun. Sois pas ok, car là où je vis, le décor est en ciment. Je rêve d'être au sommet et t'assommer, donc je rappe intensément. Moi mon kiff c'est de teaser des bières sur mon divan. Pris dans la tempête de la misère, je récolterai sûrement du vent. Je viens d'un monde où on mélange pas les cums et les filles. Là où c'est dur calmer les flics, les cums te connent comme Holyfield. Et de nos jours, avec le bien, c'est dur de tournouer. À force qu'on ferme la porte au nez, je n'arrête pas d'éternuer.